Pascal, c'est papa. Dis, Pascal, papa et maman vont entrer tard ce soir. Alors, ça serait bien que ce soit toi qui fasses à manger pour toi et ta petite sœur. Attends, crie pas youpi, va pas mal à la tête, hein? Crie pas youpi. D'accord, tu t'en occupes, bien. Tu veux faire de la cuisine? Qu'est-ce que je vais faire comme cuisine? Des pâtes! Vous avez mangé toute la semaine des pâtes. Des pâtes à quoi? À la boudonie? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une recette de ton copain Boudoni. Mais il est là, Boudoni. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est ces pâtes? C'est des pâtes avec de la viande? Mais vous avez trouvé de la viande? C'est Boudoni qui l'a ramené dans son cartable? Alors, il a gardé toute la journée cette viande dans son cartable à l'école? Et comment elle est cette viande? Mais comment elle est? Demande à Boudoni. Elle est correcte. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez mettre? Oui, bien d'accord, je veux bien. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre avec les pâtes? Avec la viande. La crème fraîche qui était dans le frigo. Ah non, la crème fraîche dans le frigo, elle était depuis 2 mois dans le frigo. Non. Elle est déjà dans l'eau. Comment elle est dans l'eau avec la viande et les pâtes? Et du ketchup? Passe-moi Boudoni. Alors, Boudoni. Comment tu t'appelles? Emilio. Bon, t'es pas un méchant garçon, Emilio. Alors, parle-moi de tes pâtes. Non, regarde dans la casserole où elles en sont. Comment elles se présentent, tes pâtes? Tu vois des pâtes roses, c'est normal, c'est le ketchup. Avec de la viande noire. Bon, je veux bien. Et dans de l'eau qui est jaune. Et pourquoi elle est jaune? T'as mis du safran. Oui, très bien. Tu mets plus rien maintenant. Du curry, en plus. Non, t'en mets pas trop. Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends c'est mou. J'entends c'est mou. Qu'est-ce qui est mou? Le chocolat? Pourquoi tu mets du chocolat dans les pâtes maintenant? Ah non, c'est votre dessert. Mais qu'est-ce qui est mou? J'entends c'est mou. La casserole est molle. Mais vous l'avez trouvée, cette casserole? Sous l'évier? Mais sous l'évier, c'est tous les récipients en plastique. Alors forcément, si vous la mettez sous le feu, elle coule, la casserole. Passe-moi Pascal. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le chocolat et le plastique coulé. Avec les mains? Passe-le-moi. Pascal. Tiens le téléphone du bout des doigts. Tu vas dans le placard et tu prends un drap. Non, ils sont tous sales. Non. Tu vas dans la chambre de papa et maman, tu tires un drap du lit, tu essuies le téléphone et tu essuies les mains. Bon, et après, tu éponges tout ce qui dégouline. Dis à Boudoni de t'aider. Il touille? Mais qu'est-ce qu'il a touillé? Il a touillé. Mais prends sa place devant les pattes. Dis-moi où elles en sont ces pattes. Non, écoute, il y a trop de fumée. Alors tu prends une fourchette et tu plonges la fourchette dans les pattes. Tire, ça fait un bloc. Mais tire une patte. Bon alors, goûte-la la pâte. Fais la goûter à Boudoni. Il aime. Tu es sûr que tu l'as pas donné à bouffer un bout de plastique? Donne-lui l'autre patte. Il aime, c'est bon, ça va. Bon, alors vous bougez plus, maintenant vous ne bougez plus. Vous mangez les pattes debout, les pieds dans le plastique. Et vous ne mettez pas les mains sur les murs. Papa arrive. Alex Métayer, 19 mars 1930. 21 février 2004. Alors, si je veux retrouver le sommeil maintenant, il faut éliminer toutes les tensions. Ben voilà, je vais faire le vide et je fais la planche sur l'eau. Voilà. Chaque fois que je fais la planche, j'entends cette musique. Vous savez ce que c'est? Le concerto pour clarinette de Mozart. C'est une beauté. Donc, je pense à une chose, là. Et si ce soir, on en profitait pour écouter tous ensemble ce concerto, comme au concert dans un silence religieux? Pourquoi pas? Chut, écoutez. Ce qu'il y a de formidable dans Mozart, c'est ce mélange de la joie et de la tristesse qui sont étroitement mêlés. Je vous en prie. Vous allez entendre la rentrée de la flûte. Qu'est-ce que je disais? écoutez la rentrée de la clarinette. Fermez vos gueules, la clarinette. L'époque, Mozart n'était pas heureux. Il avait des problèmes. Le fric. À Vienne, les Mozart sont partis sans payer le loyer. Et pourtant, vous sentez ce bonheur ? Quelle leçon il nous donne ! Quand je pense à tous nos énervements imbéciles. Moi-même, la semaine dernière, pour l'histoire de voiture emmenée à la fourrière, j'étais comme ça. Alors que là, vous sentez cette joie. Mais recutez ça ! Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous plaindre. Comment peut-on pour des histoires de plombier ? Voilà comment il faut affronter nos problèmes, voilà. Même le dentiste. Ah, oh, Mozart, mais où vas-tu chercher cette joie? Mais où vas-tu chercher cette joie? Mais c'est trop, Mozart! Arrête! On n'en peut plus, Mozart! Arrête ta joie! Il est fou, Mozart! Arrête tes conneries, Mozart! Si je veux dormir, il faut plus jamais faire la planche. Voilà, faire rire quand on est mort, c'est vraiment une grande réussite, c'est beaucoup d'élégance, c'est beaucoup de grâce. Et c'est Alex Métayer qui nous a quittés le 21 février. Voilà, c'est un tout petit hommage qu'on doit lui rendre, parce que c'était un homme de radio, oui, un homme de spectacle, mais c'était un homme de radio pendant des années. Alex Métayer était sur France Inter, dans l'Orient Coin, le dimanche matin, voilà, c'est un beaucoup d'émotions, et on a réécouté là quelques-uns de ses sketchs. Ça n'a pas vieilli du tout, c'est absolument extraordinaire ce que ce petit bonhomme a mis dans deux choses qui sont considérées comme un peu secondaires, un peu dérisoires, mais il a raconté son temps d'une manière tout à fait extraordinaire. Des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, les voici. Oui, voilà, c'est la famille Bouvier en direct de Sémoncelles, petite commune du Jura. On montait pour faire une journée de ski en passant à Sémoncelles. On s'est rendu compte qu'il y avait un bandeau noir sur le panneau indicateur de la ville. Et en fait, on pensait que le maire était mort, mais non, le maire est en grève de la faim pour protester contre la fermeture d'une classe. Et personne n'en parle. C'est proprement honteux, surtout dans le Jura où beaucoup de classes sont en train de fermer. Voilà, merci. Salut, Daniel. C'est Annick d'Angoulême, là. Je t'appelle parce que d'une petite banlieue d'Angoulême, de Saint-Yrieix, là, il y a une opération de police absolument démesurée. Alors attends, je compte. Ils sont 1, 2 dehors, là, 3, 1 qui roupille, 4, 5. Ils sont une bonne quinzaine de camionnettes bien remplies, là, pour expulser un monsieur qui est un monsieur et sa femme, qui sont deux Sénégalais, qui sont depuis au moins 7-8 ans en France, voire 8 ans, bon, à un an près, on va pas s'embêter avec ça, qui n'ont jamais posé de problème à personne. Sa femme a été hier à 17h, ils les ont arrêtés à leur domicile. Bien sûr, ils sont sans papier. Sauf que les enfants, ils ont trois enfants qui sont bien français. Et la dame, cette nuit, ils les ont mis en garde à vue ici dans un hôtel de luxe en plus. Et sa femme, bon, bah, a été hospitalisée d'urgence cette nuit. C'est une dame qui a accouché d'une petite fille il y a un mois, hein. Et la petite fille souffre d'une insuffisance respiratoire. Alors, ils sont en train de garder les chambres 47. Alors, je vous précise bien, hein, les chambres 47 à l'hôtel de première classe, hein, c'est la Formule 1, quoi, à la sortie d'Angoulême, mais enfin bon. Et il y a trois flics devant. Et je te dis, un déploiement impressionnant. Et on est où là? On est dans quel monde là? Sarkozy, un de ces quatre matins, il va lui arriver des problèmes. Hein. Parce qu'on n'est pas assez, nombreux pour, ici sur Angoulême pour faire poids, pour faire contrepoids. Mais je peux te dire que là, ça va valser hein, quand même là. Il y en a ras-le-bol. Et j'espère que tu vas passer le message parce qu'ils sont nombreux dans ce cas-là. Et si on n'est pas aidé, c'est pas... franchement, ils ont toujours raison, quoi. Il y a la petite fille, sa deuxième petite fille a 2 ans, l'autre est guère plus âgée, et il y en a une de 1 mois. Alors franchement, je vois pas en quoi ces gens représentent un danger. Daniel Mermet, bonjour. Je vous appelle pour réagir à votre émission de ce jour. Alors, je remarque que vous aimez à citer les messages équilibrés des auditeurs de là-bas si j'y suis. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas capable de vous en inspirer parce que, premièrement, lorsque vous abordez le conflit israélo-palestinien, vous vous situez toujours, systématiquement et exclusivement du côté des Palestiniens. Alors je dois vous dire que pour un conflit aussi tragique et que tout le monde sait et dit extraordinairement compliqué, je trouve que cette position me semble un petit peu simple et pas très équilibrée. Surtout lorsque vous et moi, nous sommes encore en sécurité en France. Ensuite, lorsque vous citez sur un ton un peu ironique la démocratie israélienne, je vous rappelle qu'il y a au sein du Parlement israélien plus d'une dizaine de députés arabes qui sont soit communistes, soit islamistes modérés. Mais surtout, vous qui aimez aller là où personne ne va, pourquoi ne pas essayer de rencontrer M. Wahaba, personnalité politique arabe de premier plan, membre du Likoud et envoyé spécial d'Ariel Sharon pour les contacts avec la Syrie? Alors, je vous pose une question concernant vos reportages en Israël. Un autre Daniel Mermet est-il possible? Au revoir. Oui, bonjour, c'est Roger en Gironde. Je téléphone parce que j'aurais aimé avoir des nouvelles, si c'est possible, de la petite Valentine, je crois, la petite Rwandaise là, qui avait été sauvée du génocide, à qui tu avais donné une vache ou fait cadeau d'une vache, là, qui était décédée même d'ailleurs, qui était morte, tu avais dû lui en offrir une autre. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir des nouvelles de cette petite Valentine? Eh ben oui, on va avoir bientôt des nouvelles de Valentine. On va la retrouver dans une longue série d'émissions qu'on va consacrer au Rwanda, à l'occasion du 10e anniversaire du génocide du Rwanda. Je crois qu'on va commencer vers le 29 mars et on aura des nouvelles effectivement de Valentine et on aura des nouvelles de sa vache qui a fait des petits. Elle a 5 vaches aujourd'hui, je peux le dire à Roger, et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a proposé de m'offrir une vache. Voilà. Comme je lui avais offert une vache en 95, donc voilà, les vaches ont fait des petits et elle m'a proposé à son tour de m'offrir une de ces vaches. Alors je lui ai dit oui, mais ça me touche beaucoup, mais c'est pas facile d'emmener une vache chez moi à Paris. Alors elle avait déjà étudié la question parce que la fois précédente je lui avais offert un bouquin sur la France et un bouquin sur Paris, donc elle a pu voir où je vis et elle avait étudié le coup déjà, elle a bien vu qu'il y avait, à Paris, il y a un fleuve, hein, comme la Caguera, qui passe pas très loin de chez elle, donc voilà, un fleuve, c'est bien pour une vache. Et puis, il y a de la végétation à Paris, elle avait bien gardé les images, il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut, il y a peut-être pas de bananier, mais enfin, il y a tout le reste, il y a peut-être pas de sorgho, mais enfin, il y a pas loin, donc une vache peut vivre à Paris. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu gêné, mais bon, voilà, la prochaine fois, on verra si je ramène une vache du Rwanda. En tous les cas, voilà, ce sera bientôt dans la base, si j'y suis. Et puis alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet. On adore ça, hein, faire des pas de côté comme ça, et en essayant de mettre des mots sur des choses. Hein, ça c'est notre boulot permanent. Sauf que là, c'est mettre des mots sur la chose. Salut, c'est Daniel Mermet avec Dominique Dutuy, là-bas, si j'y suis. Flight number 2, arriving from New York. Et ça vous choque si je vous parle de ce mot-là, de orgasme? Je sais pas, je peux pas vous répondre là-dessus, je ne comprends pas. Thank you. pas besoin de faire un dessin. De dessin, ni du reste. Du reste, aujourd'hui, pas besoin de doc. Docteur ou document n'ouvre pas les livres, mais les lèvres. Pas besoin de mettre les points sur les i. Pas besoin, mais envie. Aujourd'hui, ça commence comme ogre, ogresse. Ça commence comme orgue. Dans la langue française, il y a trois mots qui au singulier sont masculins et féminins au pluriel. Amour, délice et orgue. Féminin, pluriel aujourd'hui. C'est comme asthme aussi. C'est comme marasme, mais c'est comme or. Or comme hors de soi. Or comme or. Ce jour-là, quelque chose arriva. De mystérieux? Non, pas mystérieux, le mot est trop plat. De merveilleux? Non, encore moins. Non. Un effroi. Oui, un effroi. Une heure entre peur et pamoison. Infracassable noyau de nuit où la raison se casse les dents. Au-delà du bien et du mal, du plaisir et de la douleur, au-delà des lois, dans un état second au septième ciel, extase, transe, petite mort, paradis fois mieux, ça sent le religieux, le sacré en tout cas, un sacré qui lit. Toujours aujourd'hui, le lit un peu. Beaucoup, pour la vie. Pour la vie, ça veut pas dire pour toute la durée de la vie, ça veut dire pour la vie de maintenant, d'ici. C'est joli ce que je dis, hein? Seulement, voilà, c'est pas si sauvage, si naturel que ça. Il y a de la culture là-dedans, du carcan, de l'entrave, de l'injonction à la performance, du prêt à baiser, comme il y a chez McDo, du prêt à bouffer. Eh oui, il y a du mot d'ordre, ordre moral, il y a du péché, mortel, véniel, souvenez-vous. Pas question aujourd'hui de la jouer libérée. Mais, à travers les mots des femmes, confiés à Dominique Dutuis, on va entendre non pas des discours, mais de la parole, du murmure, du non-dit, de l'évoquer. On va sentir à la fois l'éternelle femme et l'universelle humanité. Cette émotion qu'on a en regardant des estampes japonaises ou des mosaïques à Pompéi en se disant « Oh, rien n'a changé !» Mais aussi en écoutant ces différences, différences de génération, de culture, d'histoire, propre comme l'amour propre qui ne le reste pas longtemps. Aujourd'hui, jusqu'à 18h, sur Inter, là-bas si j'y suis, féminin pluriel. Une occasion d'or de changer de décor, de quitter la grisaille, jouer le passe-muraille. Une occasion si rare de déjouer le hasard. Après, j'étais restée dans un état suspendu, tu sais, et en suspendu, quoi, où je m'étais dit, si tu reviens pas dans ton corps maintenant, tu peux disparaître carrément, quoi. Je m'étais dit ça, j'étais plus dans mon. J'étais partie. C'est quelque chose de tellement fort que. Ça peut, j'imagine ça peut être comme une drogue. Enfin, moi, j'ai jamais pris de drogue forte, mais j'imagine ça peut faire le même effet où effectivement, tu te dis, mais je vais jamais pouvoir redescendre, quoi. Je vais, donc effectivement, il y a une angoisse par rapport à ça, quoi. Et puis, oui, je sais aussi tout d'un coup, je me suis inquiétée sur la notion du temps parce que je me suis dit que je pourrais continuer comme ça. Enfin, c'est exagéré, mais pendant des jours et tout ça, et je me suis dit, mais comment je vais continuer à faire mes choses, comment je vais continuer à faire ma couture, mais je me suis dit, là, il y a vraiment un problème, quoi, parce que je me suis dit, je donnerais tout pour ça, je veux dire, le reste, à la limite, je m'en fous complètement, quoi, je veux dire, Ouais, effectivement, tu t'es dans un autre monde, quoi. À la limite, je crois que tu pourrais devenir fou. Enfin, ouais, je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit, je comprends certaines femmes ou certaines personnes qui peuvent être complètement accro de sexe, quoi. Parce que, je veux dire, il y a vraiment un truc qui est assez fou, quand même, quoi. Et ouais, à la limite, c'est fait exprès que tu oublies, quoi. Mais justement, et moi, après, j'avais réfléchi l'autre jour, et ce que je me suis dit, c'est que à ce moment-là, ça devient grave, en fait. Je me suis dit que moi, dans le sexe, souvent, ça me fait rire ou des choses comme ça. Et après, j'ai réfléchi, oui, et ce moment-là, moi, ça me fait pas rire du tout, du tout. Et enfin, ouais, moi, je pense que c'était ça, mais bon. Vous avez compris de quoi il s'agit. Peut-être pas parce que cette petite mort, disons, est interprétée de façon évidemment très différente selon les époques, selon les cultures. Je vous propose une définition que je trouve superbe, non pas jolie, mais superbe et profonde, de Pascal Quignard dans un livre qui s'appelle « Le sexe et l'effroi », un très très beau livre. Et Pascal Quignard dit ceci, il dit « Platon faisait de l'effroi le premier présent de la beauté. Tout homme, toute femme sont passifs quand arrive la jouissance. L'amante relève les bras dans la passivité originaire. Il y a dans la jouissance un effroi devant ce qui fait irruption, devant l'émotion intruse. Sa surprise est la surprise. La jouissance ne peut jamais distinguer de façon absolue la peur de la pamoison. » Alors ça, c'est les mots d'un lettré, d'un intellectuel, d'un scientifique, d'un penseur. Mais est-ce que dans les mots de la rue, nos mots à nous, nos pauvres mots ordinaires, on retrouve quelque chose de ça? Eh bien oui, écoutez, trois filles branchées. Vous habitez là dans le quartier? Ouais. Moi j'habite plus haut, moi. J'habite sur la rue Crimée. Ouais. Et toi, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Ah ouais? Ah ouais, vous êtes super jeune. Toi aussi, t'as 17 ans? J'ai 16 ans. Ah ouais? Et toi? 17 ans. Ah ouais? Je croyais que vous aviez 20, ouais. Ah non. Ah, quand même. Ah ouais, donc peut-être que les garçons, vous y connaissez pas grand-chose encore. Si, on s'y connaît. Ah oui. Hein? Alors moi, je pense que nous, comme nous, on est musulmanes, nous, on doit garder notre virginité. Mais franchement, vous, les Françaises, comme vous le dites, vous, vous faites comme vous voulez, vous. Voilà. Mais nous, on est musulmans, on doit garder notre virginité jusqu'à notre mariage. Mais moi, je suis peut-être musulmane, mais je m'en contrebalance. Parce que ma mère va pas venir tenir ma salle, quoi, je sais pas, mais bon. Donc toi, t'as déjà rencontré un garçon? Mmh. T'as déjà rencontré plusieurs garçons ou... Un seul, et je me marie avec lui. Où? Il a 19 ans, j'ai 17 ans. Ça va bientôt 5 ans que je suis avec lui, garanté. Même que ce matin, ils se sont même disputés pour une histoire de qu'il allait voir d'autres filles. Enfin, c'est histoire trop bête, quoi. Mais il y a un truc. Quand on couche avec un garçon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quelquefois, on peut avoir un plaisir immense. Ouais. Et ça s'appelle l'orgasme. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais, ouais, je sais ce que c'est. C'est quand le truc, il rentre dans le truc. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi? Non. Ah, vous voyez pas? Ouais, vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est quand, par exemple, la bite? Non. Enfin, le sexe de l'homme rentre dans le sexe de la femme, vous voyez? C'est ça, le plaisir. Et je pense que t'as crié quand t'as fait ça. Non, c'est pas ça, l'orgasme. Peut-être. C'est pas ça. L'orgasme, c'est... enfin, pendant les rapports sexuels, enfin, on a du plaisir, mais au bout d'un moment, je sais pas, il y a un truc qui fait en sorte que, je sais pas, on ressent quelque chose, quoi. Mais toi, comment tu sais ce que c'est? Parce qu'à l'école, ils apprennent ça aussi. Bah oui, on apprend ça je l'ai déjà fait. Bah je sais pas, au début, j'ai eu chaud. Après, je sais pas, je commençais à trembler. Et après, j'ai senti un truc dans mon ventre. C'est tout. Est-ce que ça t'a fait peur? Non. Au contraire, ça m'a fait plaisir. Moi, ça va me faire peur. Franchement, non, moi, j'ai eu peur, à peine voir le sexe du gars, ça me fait peur déjà. Rentrer ça dans... Voilà quoi, ça fait peur. Hein. Franchement, ça fait peur. Non, ça fait pas peur. Si. Enfin, ça dépend. Parce que ce qui paraît, les Noirs, ils ont... Enfin, ils en ont une, quoi. Et je trouve que ce que vous racontez, celui-là, c'est pas du tout ce que moi, je voudrais faire. Parce que vraiment, la virginité, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Donc, le jour que tu devrais te faire DAS, pour quelqu'un que tu te marieras avec lui toute ta vie. Oui, t'es d'accord avec moi, mais le jour au lendemain, déjà tout à l'heure, la petite dispute qu'il y avait entre vous. Mais c'était rien. Mais faut, tu es toujours habitué. Tu crois que dans un couple, vous allez toujours rester Z? Oh, si vous restez Z, vous n'allez pas rester longtemps, moi je te dis. Je l'ai fait la première fois, j'ai fait la première fois avec l'homme où je parle d'aujourd'hui là. Et je compte pas le lâcher. S'il me lâche, je le retrouverai. Ah oui. Déjà, moi je vois pas très bien dans le, enfin l'orgasme. Je vois pas déjà très bien ce que ça veut dire, quoi. Est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez petite ce que c'était? Non, ben moi, à mon âge, on parlait pas de ces trucs-là. Déjà, des fois, on entendait les personnes âgées parler entre eux, chuchoter comme ça. Mais dès qu'on arrivait, hop, ils se taisaient. Bon, on parlait pas devant des jeunes filles comme ça, non. Et puis, je connaissais rien de la vie quand je me suis mariée. J'ai tout appris après, enfin. Ben oui, j'étais aveugle dans ces sujets-là. Enfin, bon, on rentre comme ça dans la vie et sans savoir vraiment ce que c'est la vie. Si on parle de sexe, bon, je sais ce que c'est, bon, l'envie de l'homme, mais l'orgasme, je sais pas, enfin, je sais pas m'expliquer là-dessus. Alors, ça peut-être, ça dépend des âges, j'en sais rien, et puis c'est une question de nature aussi, des hommes ou des femmes, et ben, il y en a des hommes aussi qu'on entend parler. On dirait qu'ils sont dans un autre monde. Bon, c'est peut-être la même chose pour les femmes, mais moi, j'ai jamais ressenti ça, parce que déjà, je me suis mariée jeune, j'avais 19 ans, puis j'ai toujours vécu avec un homme à côté, et bon, ben, enfin, c'est peut-être différent pour les femmes qui voient un homme de temps en temps. C'est peut-être là aussi que, bon, c'est peut-être différent, je sais pas. Et puis, je trouve pas que c'est extra, enfin, de passer ce qui devrait être. Enfin, je sais bien qu'est-ce que je fais, je suis bien dans mes états normaux, dans mes esprits normaux, enfin. Et puis, je peux même vous dire que des fois, je voudrais bien qu'on me laisse un peu en paix, hein, c'est... bah oui, parce que, bon, non, moi... Et voilà, je suis comme ça, je suis peut-être pas normale, alors j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est cette gonzesse? On peut lui faire n'importe quoi, elle s'en fout. Elle griffe pas, elle mord pas les cartes. Tranquille. Et elle attend en comptant les mouches au plafond. Merde alors, quoi, merde! Qu'est-ce que tu nous les brises? T'es pas heureux? T'as pas eu ce que tu voulais? Autant se taper un bout de mou, oui. Quand on écoute ces voix, on voit bien que le sexe n'a pas de sens. Et d'ailleurs, Gainsbourg nous avait prévenu, l'amour physique est sans issue, disait-il. Et oui, non, on a cru que ce sexe-là, celui des valseuses, celui de la fille qui prenait pas son pied, puis finalement, qui prenait son pied quand elle décidait, quand son cœur battait, c'est la chanson de Brassens, 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, je crois qu'il allait quand même un peu loin, le père Georges. Mais enfin, il y avait, et pour notre génération, la génération, mettons, allez, bon, voilà, de 68, le sexe avait le sens d'une transgression, mais cette transgression étant acquise, eh bien, le sexe n'a toujours pas de sens en lui-même. Il a le sens qu'on veut bien lui donner. On a beaucoup comparé cette extase amoureuse à l'extase des mystiques, en les soupçonnant d'avoir une sexualité transposée. L'acmé du plaisir, l'exaltation des sens, ce moment où le corps devient esprit, devient éther, devient, se dissipe, se dissout dans le grand tout. Et puis, en retour, quand l'esprit se devient un corps, devient de la chair, avec le verbe dedans qui en sort. Ça a du sens. Ça a du sens. Le sexe peut avoir ce sens-là chez certains. Je pense à Bataille, je pense à un certain nombre d'intellectuels comme ça qui ont essayé de faire un rapprochement. Et ils ont été nombreux entre le sexe et le sacré. Mais continuons notre balade et écoutons. Moi, c'est un truc que je savais même pas que ça pouvait exister, quoi. Moi, j'étais jeune quand même, hein. 16 ans, c'est jeune. C'était assez proche de mon anniversaire. Oh, super. J'aurais pu gagner au loto, mais j'ai pas joué. J'étais 16 ans alors. De mes 17 ans, j'avais pas encore 17 ans. Le lieu, c'était une pauvre chambre pourrave. C'était un type qui était pas de mon milieu social. Puis parce que c'était plus facile de les pêcher, quoi, ceux-là, que les autres, quoi. C'était plus... c'est vrai, c'était plus rapide, quoi. Julie, est-ce que tu te souviens physiquement ce qui s'est passé d'extraordinaire? J'étais plus qu'un corps. Une bête. Oh putain, comment je me lâche. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que non, ton âme, elle disparaît, je sais pas où elle est. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de l'éprouver encore, quoi, comme une drogue, quoi. Tu vois, par exemple, j'ai jamais touché à l'héro ou des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est un état où t'es tellement bien, parce que justement, t'es absente de toi-même. Mais après, je me souviens d'une certaine paix, tu vois, j'étais bien. Mais tu sais, j'ai pas vraiment réfléchi, quoi. Ouais, ce qu'il avait, c'est qu'il était vachement... je suis attirée par les garçons assez féminins. Et assez doux, et il avait en lui cette espèce de douceur qui, moi, me fascine. Mais non, je trouvais qu'il avait un charme, ouais, quand même. Un certain charme, on dira. À l'époque, si tu veux, où je l'ai plaqué, pour tout te dire, je savais pas à quel point c'était précieux l'orgasme et à quel point ça arrivait pas souvent. Et je me dis que j'aurais peut-être dû rester un peu plus avec lui pour me faire ça plus souvent. Mais bon, bah, c'est, j'étais jeune et puis j'en avais rien à foutre, quoi. Si tu t'emmerdes avec nous, dis-le. Mais non, pourquoi? Pas du tout, mais... Bon, si ça marche pas comme ça, vas-y, autre chose, allez, retourne-toi. Ferme les yeux? Non. Respire les lèvres? Non. Elle transpire sous les bras? Non, non. Oh, merde, moi je raccroche. Je vois pas pourquoi je muserais le chibre. Ça, tu veux que je te dise, c'est un trou avec du poil autour et puis c'est tout. Rien qu'un voyant insensible. Non mais regarde-moi cette espèce de tiens, on dirait une opérette sur le billard. On pourrait aller voir un canon au bistrot du coin, la retrouver dans la même position en rentrant. Allez, hey, tu peux te remettre sur le dos, hein. Fini la nique. Prends le bol. La pudeur, tu connais? Penses-tu? Elle s'en fout comme de ses premières garnitures. Excuse-nous, Marion, j'en ai pas très fleur bleue, mais... Tu prends jamais ton pied? Je sais pas. Ça me dérange pas. Elles sont comme moi, les autres filles. Elles vivent! Elles se débattent, elles font du bruit, elles remercient avec les yeux. Et les yeux, faut qu'ils soient hagards. Faut qu'on voit le blanc. Vous avez qu'à m'apprendre. C'est comme un petit tourbillon qui m'emporte. La mélancolie m'assomme petit à petit, patiemment. Je crains d'oublier tous ces moments près de toi. La lumière de ton regard, le son de ton pas, ton visage. Je considère que c'est vraiment l'endroit de l'intimité, et l'intimité par excellence, et donc je trouve que ça a pas tellement de sens de te le raconter à toi comme ça là. Voilà. Tu l'as déjà raconté à d'autres femmes ou à d'autres personnes ou finalement t'as jamais, tu parles jamais de ce sujet-là? Le premier orgasme, non, non. Non, j'ai pas envie de parler de ça. C'est ce qui ne passe pas par les mots, justement, c'est le langage du corps, c'est raconter ça, je trouve que ça, enfin vouloir le raconter, d'abord je trouve que ça échappe à la parole ça peut rendre triviales des choses qui le sont pas du tout. Ah, ça nous manquait ça, hein. Ça nous manquait celle qui dit moi je veux pas en parler. Non pas, vous avez entendu, c'est pas une femme puritaine et excessivement pudique, simplement, eh ben elle se méfie des mots et on oublie cette chose toute simple quotidienne que tout le monde sait, c'est qu'on ne sait rien. On n'en sait rien sur l'essentiel de ce qui nous hante, qui nous enchante, cet effroi dont je parlais tout à l'heure, cette pamoison, et ben, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, on n'en parle pas. La plupart du temps, on n'en parle pas. Là, c'est exceptionnel. Dominique Dutuy est allé voir. Mais ça n'a pas été facile d'apprivoiser, de mettre en confiance. Voilà, l'anonymat, la radio, etc. C'est pas facile. Alors, on dit, elles sont coincées. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est que, il y a une prudence. On n'a pas nécessaire envie de mettre des mots, on fait pas confiance aux mots, on fait pas toujours confiance aux mots, et on n'a pas tort. Souvent, ça ressemble à des enclumes qu'on met sur des violettes. Ça nique tout, c'est le cas de le dire. Ça écrase tout, et après, ce qu'on a dit, ça existe. Les mots font exister les choses, et si ça les fait mal exister, si ça les réduit, si ça les ramène un petit machin, comme ça, une petite crispation animale, eh ben, il faut pas. Et voilà, peut-être une histoire de la pudeur. C'est peut-être ça, la nécessité de la pudeur. Une nécessité, la pudeur. Heureusement, d'autres femmes ont parlé. Ça n'a pas été avec le premier garçon avec qui je suis sortie. Ça n'a pas été avec lui, quoi, parce que lui, c'était un ami de la famille avec qui je jouais de la musique et tout ça. Il venait chez nous et puis on sortait avec 15, 16 ans. Non, j'avais 16 ans et demi, un truc comme ça. On a passé une bonne soirée et tout ça. Et puis moi, j'avais flashé sur lui. Lui aussi sur moi, mais bon, comme ça se passe souvent avec les mecs aussi, c'est... Moi, j'avais fâché sur lui à d'autres niveaux que lui avait fâché sur moi, quoi, donc ça a duré qu'une nuit, finalement. Mais là, la première fois, j'ai pas eu de plaisir physique, quoi. Mais 2 ans après, quoi, quand j'avais 18 ans, j'étais partie voyager avec des amis. On était partis en 2 chevaux, on était 3 filles, c'était ma première voiture, ma seule que j'ai jamais eu depuis, une voiture, la seule voiture, 2 chevaux. On était partis en Sicile. On avait voyagé, puis en descendant vers Rome, tout ça, il y a eu une étrange aventure qui m'a fait de retrouver dans le lit d'un étrange homme. Et puis oui, c'était... C'est là que ça s'est passé. Oui, je me souviens aussi, la première fois, c'était une des fois qui m'a fait... Moi, c'est pas que j'ai pas senti, je savais pas où était mon âme, je savais plutôt plus où était mon corps, quoi. Comme beaucoup de plaisir, des jouissances, j'ai crié jamais plus que j'ai jamais crié dans ma vie, je crois, tu sais. Et maintenant, je suis plus discrète, tu sais. Mais qu'après, j'étais restée dans un état suspendu, tu sais. Et bon, suspendu, quoi. Où je m'étais dit, si tu ne reviens pas dans ton corps maintenant, tu peux disparaître carrément, quoi. Je t'ai dit ça. J'étais partie. C'était dans un pays étranger et j'étais avec mes 3 copines, on avait 18 ans. J'étais en train de manger des glaces bizarres. Ça faisait comme des sculptures. T'avais un grand cornet avec une grosse boule dessus. Puis il y avait des petits parapluies, des machins. On était avec nos glaces, comme ça, au bord d'une fontaine. Et puis on a vu ces 3 mecs qui arrivaient de loin. Tu sais, j'ai flashé sur eux, quoi, parce que je comprenais pas quelle était leur association. Je comprenais pas ce que 3 mecs comme ça pouvaient faire ensemble. Tu sais, il y avait trois mecs. Ils étaient trop bizarres. Tu sais, il y avait 2 mecs, on aurait dit vraiment les. Oh, ils avaient l'air des. Comment ça s'appelait c'est le bossu de Notre-Dame, tu vois. Comment t'imagines leur Quasimodo. C'est vraiment, il y avait 2 Quasimodo. Il y avait un ange, tu vois, c'était un bel homme, il était grand, il avait beaucoup de présence, il était vraiment, on aurait dit un prince, il était habillé vraiment. Puis il y avait ces 2 Quasimodo à côté, comme ça, qui arrivaient de loin. Puis ce bel homme avec ces 2 étranges créatures, il arrive près de moi, et puis. Il arrive devant moi, et puis il me dit qu'il avait envie de me connaître, tout ça. Je suis tout timide à cet âge-là encore. Et bon, et puis il nous invite à boire un pot parce qu'il voulait me rencontrer à moi, tout ça. Et puis on va boire un pot avec mes amis. Et puis finalement, comme c'est le plus beau des trois mecs, et puis il voulait être avec moi, mes copains râlaient, ils voulaient partir, voulaient rentrer au camping, ils en avaient marre, et tout ça. Et finalement, on rentre, et puis on arrive au camping, et puis ils étaient là. Le mec là, il était là. Il était au camping. Je sais pas, peut-être que j'avais dit que c'était là-bas qu'on habitait, tapé contre un arbre, beau comme un ange, je sais, puis il me dit qu'il m'attendait, quoi, tu vois. Il m'attendait à moi. Bon, mais je suis partie hypnotisée, jusque chez lui. Et oui, on a passé une belle nuit, quoi. C'était assez étrange, mais c'est là que c'est arrivé. Je sais que ça m'a hanté pendant longtemps, quoi. C'est pas le seul, mais à ce point-là où je me disais que j'aurais pu ne pas revenir dans mon propre corps, oui, quand même. Ou ce point-là où il me semblait que c'était une décision de ma part consciente, où je pouvais vraiment, je pouvais disparaître là et dire ok, et je partais, mais bien, quoi. Mais c'était un total séducteur, il était là pour ça. Et donc il a joué totalement le rôle, et moi j'avais 18 ans, j'étais complètement naïve, et c'était un bel homme, et il m'a charmé complètement, oui. Et il savait aussi, bon, il a mis la musique adéquate, il avait tout un jeu de scène, c'était... Et puis bon, mais après, il m'a abandonné le jour après, je veux dire que j'étais quelqu'un de passage, juste pour lui, je veux dire, il a dû avoir, cet été-là, il a dû avoir une centaine, quelque chose, enfin, je sais pas combien, mais bon... Mais pour... oui, c'était... Il était plus âgé que moi aussi, devait avoir la trentaine, ou j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. J'ai mis du temps à m'en remettre, parce que surtout, j'ai mis quelques semaines, quand je suis retournée avec mes amis après, au camping, j'étais un petit peu suspendue, quoi, me parler, je sais plus où j'habitais. Parce que, aussi, c'était pas simplement le fait d'avoir un orgasme, c'était pas ça, mais c'était le fait d'avoir vécu quelque chose d'aussi puissant et différent, et d'avoir ressenti des choses intérieures aussi inattendues, et dont on peut parler très rarement avec des gens, et d'avoir vécu ça avec quelqu'un d'aussi, quelque chose d'aussi intime et vulnérable quand même, à un certain niveau. Mmh. Et après de voir la personne disparaître. Je crois que c'est surtout ça, moi, qui m'a après mis dans un état second, quoi. C'est pas tant d'avoir, si j'avais vécu ça et si après la vie avait fait que la chose ait continué, peut-être que j'aurais pas été, mais bon, le fait que, il me disait, je suis sûre qu'il faisait des choses comme de la magie, des choses comme ça, quoi. Parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il arrête de faire ce genre de choses, qu'il allait trop loin. C'était pas... Ouais, c'était un homme de pouvoir, d'une certaine manière, oui. Que bénéfique, je suis pas certainement sûre, mais... Mais c'est... Après, un an après, je me suis acheté dans un magasin de musique, et j'ai entendu une musique qu'on avait entendue ce soir-là, et que j'avais pas réentendue depuis. Et j'ai eu un instant d'éblouissement. Ça a duré 2-3 secondes, mais ça m'a déboussolement comme ça. Et puis après, j'ai réalisé que j'avais entendu cette musique-là à ce moment-là. Et je sais que j'avais un petit peu peur qu'il revienne, cet homme-là, parce que c'était trop bizarre. Et puis non, après, il s'est évanoui dans le temps. Tu fais un miracle et après tu vends les médailles. Et c'est un peu ça qui se passe là, hein. C'est un miracle, et puis les récits ressemblent, et ces mots-là ressemblent à des médailles. Mais c'est vrai qu'à travers tous ces mots que des femmes ont confiés à Dominique Dutuis, on sent passer plein de choses. On sent passer des milieux sociaux différents, on sent passer des âges, des générations différentes, on va le voir avec Marguerite, on sent passer des histoires personnelles, bien évidemment, on n'est pas uniquement conditionné par la génération, par la culture de terroir, j'allais dire, et bien que ce soit important, il y a toutes ces différences et ces nuances qui se sentent, les tabous en matière de sexualité ont changé, on a vu, nous, depuis la dernière guerre, comment les tabous se sont déplacés. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, on croit toujours qu'il n'y en a pas. Chaque époque pense qu'il n'y en a pas, bien sûr. Simplement, il se déplace, il change. Mais en même temps, encore une fois, il y a cette, cette émotion d'entendre là l'éternelle humanité se donner à entendre, se donner à vivre, se donner à essayer de mettre des mots sur l'extase. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Là, il y a à la fois la nuit des temps qui s'entend, qui se donne, et puis aujourd'hui. Ça fait 62 ans, ça va faire 63 ans au mois de janvier. Dans le même appartement? Dans le même appartement. Ah, d'accord. Et votre âge, donc, c'est 90, 12, non, 4. Non, j'aurai 97 ans. Ah ouais, carrément. Mois de septembre. Ok. Alors, c'est vrai qu'on était en train de parler de votre mari. Oui. Qui était ailleurs. Il était ailleurs. Voilà, une grande maison. C'était la maison Orosène à l'époque. Hein. À Paris? Oui, à Paris, aux Champs-Élysées, là-bas. Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec votre mari? Ah, si tu veux vous dire ça, c'était au cinéma. Tout simplement. Alors? Ce jour-là, je m'étais fâchée avec une personne. Alors le soir, je suis allée au cinéma, au Boulevard Beaumarchais, et puis qu'est-ce que je vois? Je vois un homme qui se met à côté de moi. Mm-hmm. Alors je change de place, je suis allée en face de lui. Il est revenu là aussi. Quand on a, alors, quand il y avait l'entracte, je suis descendue, j'avais soif, j'ai bu, et puis il est venu, il m'a dit, il m'a parlé, puis et voilà comment qu'on a... On a fait connaissance tous les deux. Vous aviez déjà connu des hommes avant votre mari ou personne? Ah non. J'ai connu personne avant mon mari. Vous étiez un petit peu effrayée, vous étiez jeune? J'avais passé les 30 ans, hein. Et on vous avait appris, donc, qu'est-ce que c'est que de vivre avec un homme? On vous avait expliqué ou on vous avait rien expliqué du tout? Rien du tout, on s'est expliqué et puis c'était fini. On s'est connu comme ça, petit à petit, hein. Donc, si vous savez, ce truc-là, même si on n'a pas parlé, vous voyez que moi, je ne savais rien. Et lui, encore, il était gêné, plutôt, vous voyez? Mais la première fois, excusez-moi du mot, mais que vous avez couché ensemble, c'était ici dans cette pièce? Hein? La première fois que vous avez couché ensemble, c'était ici dans cette pièce? Oui. Là? Oui. Dans l'alcôve? Là, dans l'alcôve? Oui, c'est l'alcôve. Que je n'entends pas trop parler, hein, parce que... Oui. Mais c'était un tout petit lit comme ça, une place? Il y avait un grand lit. Oui. Ah bah oui. Oui. Eh bien, je n'ai même, écoutez, si je vous disais que je n'ai même pas eu peur. C'est vrai? Je n'avais jamais vu un homme. À 35 ans. Je n'ai pas eu peur. Écoutez, je ne sais pas, je suis venue ici, comme j'avais toujours été ici. Mais il s'est mis tout nu devant vous? Hein? Il s'est mis tout nu devant vous? Oh, rarement, hein. Il couchait avec son caleçon la nuit, hein. Et vous aussi? Ah non. Ah oui, moi j'avais ma chemise nue. Ah, jamais. Lui, il m'a jamais vu nu. Et malgré tout, vous étiez bien tous les deux et vous aviez du plaisir. Ah oui, mais oui. On était contents. Vous voyez pas ce que c'est ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est ça? La petite tache là par terre? Oui, je pense. C'est comme, c'est super propre, hein, chez vous, hein. C'est briqué. C'est briqué. Oh non. Ouais, c'est justement, hein, il faut que je fasse de la caustique, hein. Ouais, mais ça, non, l'histoire d'amour et tout ça, vous savez, il y avait autre chose à penser. Mais enfin, moi, ça me suffisait, hein. Je ne demande pas grand chose. Dites donc. Enfin. Et ça vous choque si je vous parle de ce mot-là, de orgasme? Vous pensez que vous avez ressenti ça avec votre mari? Je sais pas, j'ai jamais. Je ne peux pas vous répondre là-dessus, je ne comprends pas. Vous savez, dans l'histoire d'amour, je n'ai pas grand-chose à raconter, ça. Je me suis contentée avec mon mari. Et mon mari avec moi. Moi, je travaillais avec lui. On travaillait ensemble, on se couchait ensemble. L'un faisait son travail après l'autre. Et vous savez, de faire l'amour comme les cochons, hein, ça n'existait pas chez nous. Mais d'avoir du plaisir, ça se faisait quand même. Ah, ça suffisait. Ah oui. Bah, il fallait qu'il me provoque aussi. Hein. Et donc ce fameux mot orgasme, ça vous dit non, rien? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Expliquez-moi comme il faut, moi, je ne sais pas. En fait, je suis sûre que vous savez très bien ce que c'est. Hein? Vous savez très bien ce que c'est, en vrai. Non. T'as entendu? Quoi? Écoute. Calmez les butcheuses! Mais je l'ai pris! Mon Dieu, de bordel de merde, mais qu'est-ce qui t'a fait? Mais rien de spécial. Que des choses normales? Mais oui, je te jure. C'est pas possible. Il a dû te faire des trucs qu'on connaît pas. Non. On connaît tous les trucs. D'ailleurs, c'est moi qui ai tout fait. Comment ça? D'habitude, tu fais rien, toi. Bah oui, mais seulement là, il pouvait rien faire, il était paralysé. T'es le prac? Tu parles. Il tremblait de partout. Il regardait mon corps. Il n'osait pas me toucher. Il a fallu que je te déshabille moi-même, sinon on y serait encore. Et puis tout d'un coup, c'est parti, tout seul, comme ça, dans mes mains. Il s'excusait, il me demandait pardon. C'est quand même pas ça qui t'a fait prendre ton pied. Mais attendez! Alors, je le prends contre moi sur le lit. Je lui dis, pleure si t'en as envie, ça te fera du bien. Alors il se met à pleurer, mais tout en me faisant l'amour, maladroitement. Et puis là, tout d'un coup, c'est parti. Une deuxième fois. Comme ça, au bout d'une minute. Tu parles d'une affaire. Mais attendez! Tu vas voir, c'est au bout du troisième coup que tout a démarré. Je lui demande si je suis sa première femme. Il me répond oui. Et là, il se remet à me faire l'amour. Lentement. En m'embrassant. Et alors là? Ouais, bon, bah, ok, ça va, on a compris. Non, mais alors là, je vous assure, sans blague. Merci à toutes. Aujourd'hui, merci à Dominique Dutuy, technique Éric Gérard et Benjamin Lagatinet. Répondeur Yann Chouquet, le numéro du répondeur, vous le connaissez par cœur, c'est le 01 56 40 37 37. Choix musicaux Koy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et génial, le mail de la base, j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il est 18h. On se retrouve demain à 17h pour la base, j'y suis, le journal. Delphine Simon, salut!